Chapitre 27e, dit dans l'ombre. Betsy Jane, l'ex-fille de cuisine, avait eu bien de la peine avec sa malade le reste de la journée après la visite philanthropique du major. La malade avait déliré. À chaque minute, de plus en plus exaltée, elle prononçait des phrases sans suite, où le nom de Sir Robert Lessel se trouvait mêlé à toutes sortes d'idées vagues. Des paroles aussi étranges que communes tombaient à tout moment de ses lèvres brûlantes. Toute la glace que la jeune fille amoncelait sur la tête en feu de la malade ne put parvenir à calmer la fièvre de ce cerveau surexcité. Betsy Jane en prit son parti à la fin et, s'asseyant confortablement sur un tabouret près de la cheminée, elle appuya sa tête sur le bord en cuivre du garde-feu et se mit à parcourir un intéressant roman à un penny la feuille intitulé « Rodolphe à la main rouge ». Mais comme elle s'était plainte, Dr. Lumpkins, de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit précédente, elle commença à se perdre dans les numéros, allant du 17 au 20 du dit Rodolphe, et elle s'embrouilla à tel point dans ce roman qu'elle finit par n'être plus bien certaine de l'identité de Rodolphe lui-même, et tombant d'un passage très intéressant dans un profond sommeil, elle rêva que le héros à main rouge était couché sur le lit à baldaquin et parlait de Sir Rupert Lissell. « Lady Lissell, Lady Lissell, allez chercher Lady Lissell !» Rodolphe à la main rouge devint si bruyant et si perçant qu'il éveilla Betsy, qui ouvrit les yeux avec un soubresaut qui fit retomber sa tête du garde-feu, où elle s'appuyait sur ses genoux. La malade s'était levée sur son lit et montrait la porte. « Lady Lissell » criait-elle. « Allez chercher Lady Lissell !» Betsy Jane écarquilla très fort les yeux, mais elle ne fit pas autrement attention à la malade. « Cherchez-la » s'écria Rachel. « Amenez-la-moi » Qu'avant de mourir, je puisse lui dire « Amenez-la-moi, que je puisse sauver ma misérable âme, entendez-vous, amenez-la-moi » La jeune fille ne bougeait pas davantage. Rachel Arnold jeta sur elle des yeux furibonds, puis, saisissant un couteau placé sur une assiette à côté de citron coupé sur la petite table qui était près du lit, elle s'écria de la voix la plus perçante « Allez me la chercher ou je vous tue !» Betsy Jane poussa des cris et se précipita dans l'escalier de service et de là, dans la partie inférieure de la maison. Le magnifique château n'était depuis quelque temps qu'un lieu bien triste. Sir Rupert était presque toujours dehors, à Londres, à Brighton, jouant au billard dans l'auberge de Littlewood, où le capitaine Walsingham était descendu bien des années auparavant, à Chichester, à Lewes, partout excepté dans sa propre maison. Il s'y trouvait misérable. Il errait à travers les chambres magnifiques comme si elles ne lui eussent point appartenu. Arrogant et tyrannique ailleurs, la vue des vieux serviteurs dont les pères et les grands-pères avaient vécu et étaient morts au service des seigneurs de Lissell semblait l'effrayer. Olivia passait la plus grande partie de son temps au bocage ou à courir dans la plaine, à cheval ou enfermée dans son appartement. Le major et Mrs. Varney avaient donc toute la maison pour eux seuls. C'est au major que les domestiques demandaient des ordres. On commençait à jaser de cet étrange état de choses. On disait qu'Olivia Lissell et son mari étaient à couteau tiré, que le jeune homme devenait ivrogne et débauché, et que sa ruine serait certaine sans les efforts de l'estimable major Varney. Il arriva cependant, dans cet après-midi, que Lady Lissell se trouvait au château. Elle était seule dans le grand salon, debout à l'une des fenêtres, regardant tomber la pluie, quand la porte s'ouvrit tout à coup, et une personne qui lui était étrangère s'avança dans le salon. C'était Betsy Jane, qui ne s'était pas arrêtée même pour respirer entre la mansarde et le salon. « Qu'y a-t-il ? » demanda Lady Lissell. « Que voulez-vous ? » ?»« Oh, s'il vous plaît, madame, » s'écria la jeune fille, « s'il vous plaît, la pauvre malade, Mrs. Arnold, Milady, m'a dit de venir vous chercher, et elle a pris un couteau, et elle a dit qu'elle allait me tuer si je ne venais pas. Oh, Milady, venez !»« Rachel Arnold me demande ?» dit Olivia. « Oh oui, Milady, elle a eu le délire toute la journée, et elle dit que c'est pour sauver son âme. Venez, Milady !»« Je vais y aller, ma bonne fille, » dit Lady Lissell, « pauvre créature. » Je me demande ce qu'elle peut me vouloir, mais je vais y aller. » Olivia suivit la jeune fille à la chambre occupée par la malade, et entrant doucement, elle s'assit à côté d'elle. « Je vous amène, Milady, » dit Betsy Jane. « Ce n'est pas tout le monde qui viendrait satisfaire vos absurdes exigences. »« Lady Lissell, Lady Lissell, » répéta la femme sans lever une seule fois les yeux sur Olivia. « Eh bien, Lady Lissell est là, n'est-ce pas? Si cela ne vous contente pas, rien ne vous contentera. » Rachel Arnold se leva sur ses côtes et regarda Olivia. « Non, non, pas celle-ci » s'écria-t-elle. « L'autre, l'autre, Celle-ci est sombre et fière, et ses yeux noirs brillent comme des charbons ardents. Celle-ci me fait peur, pas celle-ci, l'autre, l'autre qui autrefois me ressemblait. Dieu me vienne en aide. C'est de ma mère qu'elle veut parler, dit Olivia, qui appelait toujours Mrs. Walsingham sa mère. Je parle de celle qui était blonde et pâle, celle qui a épousé Sir Reginald Lisle il y a bien des années, celle qui a eu un fils qu'elle aimait tant. Pauvre dame, faites que je la voie. Vous ne pouvez pas la voir maintenant, dit Olivia. Elle n'est pas à Lisselwood en ce moment, mais vous la verrez dans un jour ou deux, si vous avez quelque chose de particulier à lui dire. Particulier ? S'écria Rachel. C'est la vie ou la mort. C'est pour sauver mon âme. Je puis mourir ce soir. Comment puis-je mourir avec un poids semblable sur ma conscience ? Mais si vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui pèse sur votre conscience, ne pouvez-vous pas me le dire ? Dit Olivia. Tout ce qui concerne Mrs. Walsingham a le plus grand intérêt pour moi, et pourquoi ne vous fieriez-vous pas à moi ? Non, non, s'écria la femme, non, vous ne me pardonneriez jamais. Vous êtes sa femme, et l'injure qui vous a été faite est plus profonde et pire que celle qui lui a été faite à elle-même. Oui, pire encore. Elle pourrait me pardonner, car elle est ma vieille maîtresse, elle, et elle m'a connue il y a longtemps quand j'étais jeune fille heureuse et que je lui ressemblais. Elle pourrait me pardonner d'avoir gardé cet odieux secret, mais vous, vous ne le pourriez jamais. Si, si, dites-le-moi, et je vous promets de vous pardonner. Vous me promettez ? S'écria Rachel Arden avec impatience. Mais vous ne savez pas, vous ne savez pas ce que vous me promettez. Je vous dis que vous ne pouvez pas me pardonner. Vous êtes fière, passionnée, et vous descendez, m'a-t-on dit, d'une ancienne famille. Non, vous ne pourriez me pardonner. Oui, oui, je vous pardonnerai, dit Olivia, alarmée par l'impétuosité des manières de cette femme. « Dites-le-moi, » répéta-t-elle en prenant la main de Rachel Arnold dans la sienne. « Alors asseyez-vous. Mettez votre tête derrière le rideau et laissez-moi penser, si je puis, que vous êtes l'autre, Lady Lisle. Mais d'abord, renvoyez cette fille. »« Vous pouvez sortir. » Et Lady Lisle alla désappointer Betsy Jane, dont la curiosité avait été éveillée par la scène précédente. « Vous pouvez vous en aller. Et faites attention à ne pas écouter aux portes. Allez jusqu'en bas, et que je vous entende descendre. » La jeune fille se retira, et son beau visage rendu plus sombre par les rideaux derrière lesquels elle se tenait, Olivia Lisle écouta la confession de la malade. Quel que soit le secret prononcé dans ces phrases ensuite et entrecoupées, quel que soit le secret révélé dans ce désir, il doit avoir bien fortement impressionné Lady Lisle, car le visage de la femme de Sir Rupert était terrible à voir dans sa pâleur, quand elle quitta la chambre de la malade et qu'elle descendit lentement et en tremblant l'escalier obscur, se tournant à la rampe et s'arrêtant de temps à autre pour porter ses mains à son front et dire d'un air troublé « Est-ce possible ? Est-ce possible ?»